Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans NX tout seul spécial takeover Brooklyn 4. Désolé pour le petit générique qui a bugué. Je suis Hank et je suis accompagné pour une fois dans NX tout seul. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Ringside. Salut Ringside. Salut les amis, vous m'attendiez pas mais je suis venu quand même. Et oui, incroyable. Il fait tout. Il fait tous les podcasts. Mais là c'est important parce qu'on va parler du show le plus hot de l'été. Ce n'est pas SummerSlam, c'est Takeover Brooklyn 4. On a mis un peu de temps pour le couvrir, mais tant mieux parce que avec la semaine de recul qu'on a, on va pouvoir parler aussi des dark match qui étaient diffusés dans l'épisode. Suivant, hein, vous savez qu'il y a une espèce de semaine, un peu de vacances après chaque takeover. Galuf qui est dans le chat, salut Galuf. Donc on va parler bien entendu donc du coup des dark matchs d'abord. Ces petits matchs souvent de présentation de rivalité. Quoi qu'on en a un quand même pour la ceinture UK. Pour une fois, il y a un petit peu de comment, un petit peu de d'enjeux dans ces matchs. Donc je vais commencer, voilà, si je ne me cours pas, voilà, premier match, Bianca Belair contre Diana Parrusso. Donc Diona, c'est Diona en fait, c'est tellement compliqué son prénom. Donc... Ah, le nom aussi, hein. Ouais. Pas facile. Hein. C'est une plutôt belle bataille, je sais pas vraiment, on pouvait s'attendre peut-être à un squash parce que Bianca Belair, hein, on rappelle qu'elle est invaincue à NXT pour l'instant, elle revient de blessure et aussi de lune de miel en même temps. Chargée. elle avait quand même fait une petite vidéo en direct de sa croisière pendant sa lune de miel, donc ça fait partie de la storyline. Donc c'est une bataille, ouais, plutôt sympathique avec Diona qui est quand même assez dominatrice au début, pas mal de soumission et puis de j'ai remarqué qu'elle casait un petit peu, elle avait un côté un peu Kenny Omega à faire des V-triggers et à un moment, avant de prendre son élan, elle fait exactement le mouvement du Bullet Club comme ça. Donc je sais pas si c'était une sorte de clin d'œil, mais voilà. Forcément c'est pas un grand match parce que c'est un match assez rapide et puis c'est l'occasion de donner une nouvelle victoire à Bianca Belair qui devrait donc du coup arriver peut-être dans la title picture sous peu. Et puis quoi d'autre, une nouvelle entrée de Diana Parrusso qui cette fois-ci est vraiment signée à NXT, hein, c'est plus, avant elle était elle venait de temps en temps mais elle était toujours indépendante et maintenant c'est bon. Elle a signé. Si t'as quelque chose à dire, Ring, sur ce match, bon, c'était pas. Non, ça m'a pas trop passionné. Hein. Encore une victoire de Bianca Belair. C'est bien qu'ils continuent à la pusher comme ça. On sent effectivement qu'ils vont l'emmener vers la title picture. Diana Parrusso, visiblement, elle a un bon niveau déjà pour performer à NXT. Je sais pas trop à quoi ça va lui servir. Diana qui a décidé donc du coup de sortir du deal de All In pour signer à NXT. Ouais. Elle était sur la carte de All In. Elle a une drôle de carrière là, parce qu'elle vient à la WWE, elle repart, elle va aussi faire le Mae Young Classic numéro 2 qu'elle avait pas fait l'année dernière alors que tout le monde l'attendait. Je sais pas, c'est un peu chelou sa gestion de carrière. Je suppose qu'il doit y avoir des facteurs qu'on connaît pas dans l'histoire, mais elle a eu des blessures. Je crois que c'est un peu. Elle a eu sûrement des blessures qui sont tombées au mauvais moment et peut-être à NXT si elle avait été plus régulière, enfin disponible plus régulièrement, il l'aurait sûrement signé plus tôt. Donc du coup, à chaque fois, je crois qu'elle s'est blessée deux fois et à chaque fois, elle est repartie sur le circuit indé. Et donc voilà, elle est passée aussi à Stardom, elle est passée Voilà, je suis pas sûr qu'elle ait grand chose à apprendre à NXT, quoi. À mon avis, un niveau suffisant pour déjà aller dans le main roster, mais Ouais. ça fait voilà, un adversaire valable pour Bianca Belair qui effectivement, comme on nous le dit dans le chat, va sûrement aller challenger Kairi Sane. Comme nous dit Ariana, qui est arrivée dans le chat, Monsieur Tom est là aussi. Et j'ai vu un Jonathan aussi. Salut à tous les amis, ça fait plaisir de vous voir le dimanche. Voilà, Bianca Belair, c'est bien, faut continuer à la construire comme ça va faire un challenger assez intéressant pour Kairi Sane, qui a bien besoin d'avoir des grosses baraques face à elle. Et Elle a un peu oubliez plus qu'il pas, faut là, Bianca Belair. si vous êtes dispo le dimanche, n'oubliez pas, sauf mention contraire, NXT tout seul, c'est tous les dimanches à 14h. Donc j'allais dire quoi d'autre? Ah oui, Galuf qui nous dit elle a dû avoir une offre intéressante pour zapper All-In. J'imagine le chèque supplémentaire, C'est le petit ça, bonus. une mutuelle, il faut. Voilà. Après, All-In, il n'y a qu'un match à 4 pour les filles, hein. C'est un peu sec. Hein. Donc, Ouais, mais pour le quelque chose. moment, quand on est une fille, c'est bien d'être à la WWE. Hein. Quelque chose me dit que s'il y avait eu Diona, ils auraient sûrement programmé un contre-un. Je pense que c'est peut-être une question de force des noms qu'ils ont, qui considèrent que bah ils peuvent pas faire un contre-un parce que c'est pas des noms qui résonnent assez. Diana Parrouzeau, elle a quand même un nom qui est connu, quoi, justement parce qu'elle est passée par NXT et parce qu'elle est allée à droite à gauche. Donc Après, ils ont sold out le truc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent hein, sur la carte. oui, aussi, c'est pas faux. Donc on va passer au deuxième match. Hein, il y avait que deux matchs dans ce kick-off. C'est donc le match pour la ceinture, si ça ne bug pas, c'est bon. Pour la ceinture UK, Pete Dunne contre Zach Gibson, que j'ai traité de no name hein, quand j'étais à NXT. Eh oui, mais c'était personne à Comme je l'époque. me suis mordu les doigts quand ensuite j'ai vu le UK Championship. Mais bon, après, je vais pas dire que je suis un grand fan de Zach Gibson. Mais voilà, c'était annonciateur de l'importance du gars, puisque à NXT Paris, il avait battu Tyler Bate. Tyler Bate. Donc, ce match, que par contre, tu n'as pas vu, Ring, mais. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Je vais pas vous le détailler. C'est un très bon match. C'est un très bon match de strong style, British strong style comme on le dit. Énormément de coups stiff, des projections qui font mal, des comptes tout le temps, et puis des moments qui font un peu grincer des dents quoi. Des passages qui semblent vraiment douloureux. Un match qui est vraiment acharné hein. Les deux sont personne n'est vraiment montré meilleur que l'autre hein. Ils sont vraiment égaux et il y a qu'à la fin que Pete casse quand même son bitter end pour la victoire. On nous rappelle donc du coup pendant le match qu'il est il a un range je sais plus combien on est à 350 jours et quelques je sais plus mais c'est il a quand même un très long règne, Pete Dunne, et donc bah, ça semble pas être Zach Gibson qui va le déloger parce qu'il y a déjà eu l'affrontement au UK Championship. On devrait avoir aussi, a été annoncé au début de Takeover, une diffusion des shows UK sur le network. Enfin, ça me semble, ce qui était annoncé, c'est que ça va être sur le network. Donc on verra si dans ces shows, je sais pas comment ils vont faire ça parce qu'ils ont enregistré des shows en avance, mais ça m'étonnerait pas qu'ensuite ils diffusent des trucs en live. Enfin bref, C'est expérimental, hein, on verra bien. vu qu'il y a déjà des shows d'enregistrés, mais que le takeover s'est passé après ces shows enregistrés, on imagine que, enfin c'est pas pour vous spoiler, mais que dans les shows UK, le UK Championship va pas être, au moins les premières émissions, va pas être en jeu, quoi. Mais voilà. À voir. Allez, passons au vrai show, au main show, à la carte, avec certains l'appelleraient le show stealer de la soirée, le meilleur match de la soirée. Il était tout au début. Show C'était stealer du week-end. le show stealer du week-end, oui, totalement. C'est l'Undisputed Era contre Moustache Mountain pour le Tag Team Championship d'NXT. Un match qui va à 100 à l'heure et j'ai noté qu'il mérite d'être raconté. Donc je vais vous faire une belle description comme vous les aimez. Donc ça cache très stiff dès le début, des pains et des kicks qui fusent, Moustache Mountain qui combine très vite, mais une fois que le match se calme, c'est Trent Seven qui subit le jeu des tags de Undisputed. Bate arrive néanmoins pour caser un European Uppercut, Dropkick et ensuite combiner le Cesaro Swing sur Roderick, emportant Kyle O'Reilly sur son dos. Et puis ensuite il souplexe Kyle O'Reilly alors que Roderick est encore attaché à lui. Donc c'est un beau belle démonstration de force. Il se fait lui aussi coincer par les Undisputed, donc Tyler Bate néanmoins, et avec Kyle qui enchaîne les soumissions et puis lui ruine le torse à coup de genou, enfin les côtes plutôt. Ensuite il y a Strong qui case un gory stretch, il retaque Kyle pour une nouvelle soumission qui vise le pied gauche de Tyler. Donc voilà, on a une sorte de concentration sur le pied de Tyler pendant tout le match. Tyler il s'en sort difficilement, hot tag sur Trent qui clothesline Kyle O'Reilly et fait une topé suicida sur Roderick Strong. Corner clothesline sur Kyle, enchaîne les prises impressionnantes sur les deux heels. Il fait une souplexe. Enfin, il les massacre à droite à gauche. Oui, voilà, j'ai noté une sorte de souplexe modifiée sur Roderick. Strong qui s'en sort avec une back elbow. Kyle vient le sauver et fait, je sais plus, j'ai noté un fame booster, mais je suis pas sûr. Olympic Slam de Strong sur Trent Seven, Strong Hold, mais Trent arrive à s'en sortir. Au même moment, Bate se fait prendre par le triangle. Strong Hold de Roderick Strong. Et là, à ce moment-là, Bate se fait prendre dans le triangle d'O'Reilly. Donc les deux faces sont soumis par les deux heels. Mais Bate arrive à soulever Kyle alors qu'il est dans le triangle et le balancer sur Roderick. Pour casser donc du coup la soumission légale. Donc voilà, il y a eu un Tyler Driver sur Roderick Strong. Alors que Tyler repoussait Roderick sur le poteau, Kyle vient lui plaquer la jambe gauche sur le poteau une nouvelle fois. Il se retrouve dans une nouvelle soumission de Kyle O'Reilly. Seven veut intervenir et l'arbitre est distrait. Roderick tire sur O'Reilly pour que la soumission continue, hein, que Bate touche pas les cornes. Trent va chercher la serviette blanche pour l'abandon, hein, un rappel d'un match, je crois que c'était au UK, est-ce que c'était le match pour le show au UK peut-être ? Non, quand il a acheté la serviette blanche, c'était le deuxième match, quand ils ont perdu la ceinture, le Moustache Mountain, justement parce que Trent Seven a acheté la serviette pour faire abandonner, je crois. Trent Seven, pardon. Et du coup, Tyler s'en sort quand même tout seul. Hein. Il tag Trent qui case un Rainmaker sur O'Reilly. Trent soulève Kyle, Bate repousse un assaut de Strong et ils combinent tous les deux pour le Burning Hammer. Et O'Reilly kick out à 2,9 du Burning Hammer. Le public crie Fight Forever. Les deux heels arrivent à combiner sur Trent au milieu du chaos. Chop block d'O'Reilly. Puis le finisher de Disputed Era, je me souviens plus le nom, pour le tombé gagnant sur Trent Seven. Et juste après ça, pendant que O'Reilly et Roderick Strong sont en train de soulever les ceintures, War Raiders sont juste derrière. Ils les attaquent et j'ai noté, puis ils cassent leur finisher sur Kyle O'Reilly. Puis Roderick Strong se fait aussi balancer en l'air et plaquer au sol. Voilà. Donc, ils étaient bien dans les airs à 3 mètres de haut. Quoi. Ouais, ils l'ont. Belle amplitude. Comme dirait l'autre. Exactement. Bon alors, ce match, Ring. Bah, exceptionnel, ce match, évidemment. Et puis, salut à Guillaume qui vient d'arriver, Pitgoul dans le chat, Monsieur Tom, je ne sais pas si je lui ai dit bonjour tout à l'heure. Voilà, comme ils nous le disent dans le chat, effectivement, c'est la marque de fabrique d'NXT, les très très bons matchs tag team. Et là, forcément, avec les personnes qu'on avait qui étaient impliquées, c'était difficile d'avoir quelque chose de mauvais. D'un côté Kyle O'Reilly et Roderick Strong, alors c'était quand même les patrons de la Ring of Honor pendant très longtemps. De l'autre, Tyler Bate, Trent Seven, c'est un peu eux qui sont à l'origine du renouveau du catch en Angleterre. C'est deux des meilleurs catcheurs du monde. Bah, du coup, voilà, on a un match qui est exceptionnel. On était à deux doigts du spot fest, mais finalement, ils ont rajouté pas mal de narration, notamment avec le truc de la serviette. Il y a tout qui s'enchaîne très vite. Le timing est parfait. Il y a des démonstrations de force absolument incroyables, des dives, des prises de risques exceptionnelles. Voilà, quand on a des talents de ce niveau, qu'on les met ensemble dans le ring, qu'on les fait s'affronter avec un enjeu derrière, en opener de show, avec un historique derrière qui a été extrêmement bien mené, puisque en Angleterre, ils avaient réussi à prendre les ceintures, le Moustache Mountain. Ils ont perdu suite au problème de genou de Trent Seven, là, qui pouvait quasiment pas catcher quand ils ont fait le match, hein, puisque l'Undisputed Era avait joué la perfidie en lui explosant le genou sur les escaliers de fer. On a tout qui est réuni, on a les talents, on a le scénario, on a l'enjeu, on a le placement dans la carte qui est parfait en début de show. Du coup, on est sur un match quasi parfait, hein. Y a rien à acheter là-dedans. Je pense que ça éblouit tout le monde. Question de Monsieur Tom, le retour de Bobby Fish, bah ça c'est ma grande question. J'espère qu'ils vont pas faire disparaître Bobby Fish de l'histoire parce que c'est aussi un excellent catcheur. Il y a des choses à faire avec lui, mais effectivement c'est délicat, hein. S'il a été enlevé du truc, c'est parce qu'il était gravement blessé. Maintenant, pour le retour, ça va être un petit peu difficile, mais bon, voilà, on va croiser les doigts. Faire une bonne vieille histoire d'amitié frustrée et tout ça et Trahison, face turn. ouais peut-être mais c'est sûr que là ça va, en fait c'est difficile parce que l'Undisputed Era de Kyle O'Reilly et Bobby Fish était vraiment excellente mais là on sent qu'ils sont arrivés encore à un niveau supérieur quand Roderick Strong s'est associé enfin moi je trouve au niveau des matchs après peut-être qu'ils en seraient arrivés au même point si Bobby Ouais, Fish avait c'est très continué. très bon. C'était une équipe qui tournait bien à la Ring of Honor, les Red Ouais. Dragons, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Donc ils sont arrivés à quelque chose d'à peu près similaire. Mais quand même, c'est vrai que Roderick Strong, il a un niveau au-dessus de Bobby Fish. Mais enfin, après, Roderick Strong va trouver quelqu'un qui a un niveau supérieur à Roderick Strong. Hein, Ouais. J'ai beaucoup aimé son entrée, Roderick Strong, où il avait caché la ceinture sous sa veste et genre il fait semblant de la. Il commence à la montrer, il fait pop hop hop! Il a. Ils ont vraiment. Allez. Ils ont tout. En fait, c'est ça que j'adore chez Undisputed Era. C'est pas juste des mecs qui sont incroyables dans le ring. C'est juste qu'au niveau du charisme. Et je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord, ta vidéo se désactive, ton diaporama se désactive en fait une fois que je l'ai fini, j'ai oublié de cocher la boucle. Désolé. Donc c'est pour ça qu'il disparaît. Donc, je On disais. va revoir le diaporama. Voilà, on remet le diaporama pour tout le monde. C'est Ringside qui a fait les diaporamas aujourd'hui de top qualité. Five stars. Five Je stars les vais prendre les photos moi-même. diapos. Et donc, L'appareil. non, ce que j'allais dire, c'est que Undisputed Era, au-delà de l'excellence dans le ring, c'est que le charisme qu'ils ont, mais c'est Ouais, bah oui. hallucinant. Et bien, Roderick Strong, c'est le jour et la nuit, quoi. Il rentre et maintenant il est confiant, il a des mimiques qui sont vraiment bien, voilà, bien étudiées, etc. Et puis, ce qu'ils enchaînent dans le ring est juste d'une fluidité incroyable, quoi. Ouais. Ouais. C'était Et puis, encore puis un bon match. effectivement, les War Riders, là, comme nous le rappelle Galuf, pardon, bah, ça promet du beau parce que c'est aussi une grosse, grosse équipe. Hein. C'était les War Machines, hein, comme on les appelait. War Riders, c'est un peu dur à prononcer, hein, je trouve. Ouais. Bah, Mais ça c'est. nous annonce des gros, gros matchs parce qu'eux aussi, à la Ring of Honor ou à la New Japan, ils faisaient des matchs de foufou. Hein. Hansen, c'est un gros sac qui Et vire pas Gretel. comme un. Voilà. Dans la maison en pâte d'épices. Voilà, il virevolte comme un poids léger. Roé ou Ro, je sais pas comment bon, que ça se prononce. Dur à prononcer tous ces Ouais. gars-là. Quand il fait ses enchaînements de souplesse là dans tous les sens, c'est assez incroyable. Si en plus on part sur des matchs un petit peu sans disqualification, on risque d'avoir du gros gros spectacle dans les takeovers qui viennent. Et bonjour au temple du catch qui nous a rejoint. Salut, le temple du catch. Pendant que je mets toutes ces belles diapos en boucle, Donc, on Les est secrets de la réalisation. Ouais. incroyable. Et pourtant, j'y ai passé beaucoup de temps. Je suis depuis 9 h ce matin en train de préparer cette émission. Allez, on va passer donc du coup au match un peu moins attendu. C'est EC3 contre Velveteen Dream. Velveteen Dream qui du coup aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, ce soir-là, a décidé de nous faire une nouvelle surprise pour son entrée. Cette fois-ci, c'était sur son cul, puisque c'était marqué Call me up, Vince. Très très drôle, je me suis marré pendant au moins 2 minutes quand j'ai vu String. Comment on l'autorise à faire ça? Le match était un peu moins amusant que ce pantalon. Ici, Free domine du côté de la force, hein, c'est une des grosses démonstrations de force au début. Et Velveteen fait beaucoup de selling. Il y a un passage comme ça qui est vraiment. C'est vraiment assez grotesque avec Velveteen qui est donc du coup sur le coin du ring, hein, sur les cordes, et EC3 qui lui met des coups dans le ventre, et Velveteen qui saute de je sais pas de 1 mètre comme ça. Enfin c'est vraiment, il y a du Ouais, c'était selling pas très très. bien exécuté ce truc-là. Ouais. Hein. On voyait que c'était le Dream qui se mettait en position tranquille, et puis bon bah maintenant que tu y es, on va te mettre des coups de pied. Ouais, et en plus ensuite donc du coup il finit les bijoux sur les cordes, hein, et EC3 qui remue les cordes. Enfin bref, ça commençait comme un vrai comedy match, hein. On a l'impression que les deux ont pas une super alchimie. Les séquences sont vachement hachées en fait dans le match. Donc comme je disais, il y a beaucoup de comédie. Il y a EC3 qui mime Velveteen, il y a Velveteen qui crache de l'eau sur EC3 à l'extérieur. Il y a quelques prises spectaculaires quand même qui viennent de Velveteen, dont un twisted DDT sur la rampe à l'extérieur. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le public est distrait par quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est. J'avais entendu, mais le public est vraiment pas intéressé par le match, quoi. Je crois qu'ils avaient coupé l'écran. Ah, J'ai fait d'accord. une coupure du grand écran et ils ont gueulé pour qu'on remette le grand écran. Je pense que c'était un souci technique, hein, parce que je vois pas pourquoi ils auraient coupé Ouais. l'écran. Il me semble que c'est ça. Ouais, et puis EC3, donc du coup dans ce match, il a un moveset qui est quand même très main roster, hein, comme on dit. Il y a du neckbreaker, stinger splash, crossbody, et puis il enchaîne 2 powerbombs à un moment, puis Velveteen kick out. Je crois qu'il en fait quand même pas mal, il en fait 4 ou 5 des powerbombs dans le match. Velveteen enchaîne aussi super kick Death Valley Driver. Mais EC3 kick out. Par contre, à ce moment-là, je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'ouvre un peu l'arcade. EC3. On a un nouveau Dream Valley Driver, donc c'est le nom de la version Velveteen. Mais cette fois, c'est sur le bord du ring. Et il enchaîne ensuite avec un elbow drop pour la victoire. C'est un final un peu anti-climatique, comme disaient les Américains, je le trouve. Ouais, c'est vrai que le rendu était pas exceptionnel par rapport à ce que sur le papier ça aurait dû rendre, parce que c'est quand même une descente du coude sur le tablier du ring. C'est pas non plus anodin, hein, Oui, non, non, comme c'est pas coup, anodin, mais. mais ce que le rythme du match fait qu'on voyait pas ça comme. Enfin, on n'a pas l'impression que le match s'est accéléré, en fait. Ouais. C'est ça le. Et peut-être à cause de. Enfin. Je veux pas tout mettre sur EC3, mais peut-être aussi un petit peu à cause de EC3 qui a peut-être pas l'habitude d'être dans des matchs aussi rapides que ceux d'NXT, quoi, aussi, enfin au rythme NXT, quoi. C'est ça. Alors le top du catch nous dit que ils sont hypés pour la manière dont sera utilisé Dream dans le main roster, et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été hypés comme ça. Voilà. Alors moi, bizarrement, je suis plus hypé par EC3 dans le main roster, tu vois. J'ai vraiment Je pas sais trop pas. compris pourquoi ils le font passer par NXT. Je vois pas trop l'intérêt. Il n'est pas du tout calibré pour le produit. Est-ce qu'il va pas être Alors. Bobby Roode numéro 2? Il est bien meilleur au micro que Bobby Roode, puis il est Ah plus oui. jeune, et puis voilà, il est plus jeune que Bobby Roode. Il a une personnalité qui est un peu plus extravagante que Bobby Roode. Maintenant, Maintenant, ils sont quand même mal barrés d'en avoir fait, d'essayer d'en faire un babyface avec son gimmick de top 1% là. Ouais. C'est-à-dire c'est un mec de la haute société qui est censé être un babyface. Et puis je sais pas pourquoi ils ont gardé son truc DC-free. Evan Carter, troisième du nom. Donc le neveu de Dixie Carter, l'ancienne patronne de la TNA, ça veut rien dire à la WWE. Ouais, mais après le nom, ça me dérange pas. Je veux dire, CM Punk, ça veut rien dire. Tu vois. Ça veut rien dire non plus, ouais, c'est sûr. Mais bon, Mais voilà. je pense qu'on le connaît tellement sous le nom de EC3, ça aurait été un scandale qui s'appelle, bah, je sais plus son nom avant, il s'appelait Bates, je sais pas quoi. Il avait pas, il a... C'était comme le gars des romans là. Ouais, je sais plus. Bah, Ouais, bon, il avait allez, un je sais nom un plus. peu, voilà, il avait un nom un peu générique. Bateman, Eric Bateman, voilà. Ah oui, Bateman, voilà. Mais oui, ça, je pense que ça aurait été un peu un scandale qu'il est pas, enfin, qu'il s'appelle pas EC3 en fait Ah, ils quand il vient. sont pas embêtés pour Cassius Ohno, tu vois. Ils lui ont donné son nom qu'il avait quand il était à Ouais. NXT, alors qu'il est plus connu sous le nom de Chris Hero, quoi. Mais Tommy Henn, c'est pareil. Mais Mais bon, après, ils voilà. avaient pas de grand plan pour Cassius Ohno. C'est vrai aussi. Voilà, donc bon, après le match il vaut ce qu'il vaut. Moi je trouve pas que c'était catastrophique, mais c'est sûr qu'il y avait pas trop d'alchimie entre les deux. Encore une fois, EC3, c'est tout simplement pas un mec qui est fait pour NXT. Ouais. C'est sympa d'avoir une victoire de Velvet in Dream un peu pour relancer un petit peu le personnage. Voilà, j'espère qu'on aura le Velvet in Dream quand même qui montera jusqu'à la ceinture de champion de NXT avant de monter dans le roster principal. Par contre, EC3, je pense qu'il peut aller tranquille. Mais après, c'est difficile parce que maintenant c'est tellement blindé aussi dans le main roster Ouais. que pour pouvoir percer d'une manière ou d'une autre, faut être Aïe. rondard aussi, quoi. Il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de gens dans le main roster. Hein. Maintenant, c'est, on en parle, enfin, semaine après semaine. Ouais, il y a trop de gens partout. Hein, si tu prends même NXT TakeOver, là, il y a des mecs qui sont. Bah, par exemple, EC3 qui est sur la carte, il a grillé la priorité à tous ceux qui sont au Performance Center depuis des années. Hein, ils doivent avoir peut-être 50 catcheurs qui sont prêts à aller à la télé, qu'on verra jamais parce que c'est bouché par tous les mecs de l'Indie qui arrivent. Hein, même voilà, même l'Undisputed Era, même Moustache Mountain, c'est des mecs qui ont un peu grillé les étapes pour arriver à TakeOver, si on prend le principe que NXT, c'est la branche de formation, quoi. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Donc. Monsieur Tom qui nous dit, n'oublions pas les contrats TV, SmackDown va prendre de la place. Je sais pas s'ils vont oser mettre SmackDown pendant 3 heures. Non, ça, ils ne le feront pas, mais par contre, il y a des créneaux qui étaient tenus par l'UFC qui vont disparaître sur les chaînes sœurs de la Fox. Et théoriquement, c'est à la WWE de remplir la grille. Ils vont nous Donc, faire après, NXT bleu, NXT rouge. ouais, voilà. Voilà, il va y avoir, de la production de nouveaux programmes, hein, apparemment, mais sous quelle forme? Est-ce qu'ils vont opter vraiment pour des shows de catch tels quels, ou est-ce que ça va être des trucs genre télé-réalité ou des machins dans les coulisses ou des cette semaine à la WWE? À voir, Ouais. à voir. Mais en tout cas, ils ont le roster pour pouvoir faire pas mal d'émissions encore en parallèle de ce qui est déjà offert. Mais alors après, on aura 24 heures de programme WWE par semaine, ça va être chaud, hein, les gars. Ouais, déjà que là ça devient compliqué, ne serait-ce que pour suivre quelque chose d'autre que la WWE dans la semaine. Donc C'est ça. voilà. D'ailleurs, moi j'ai mon Five Stars Grand Prix de Stardom à rattraper. Alors, on va passer donc du coup au troisième match de la soirée. C'est Adam Cole, baby, contre Adam Cole, baby. Ricochet. Pour moi, l'autre, c'est difficile. J'en parlerai à la fin du pay-per-view. C'est difficile de classer un peu. Je dirais trois matchs. Celui-là plus le Gargano de Ciampa, parce que c'est des matchs qui sont quand même assez différents. Donc, on a. Monsieur Tom qui dit, c'est moi où ça bug des fois. Je ne sais pas si ça, ma voix bug, par contre, c'est vrai que je vois Ringside en flou. Je Donc. saccade un peu. Oula, oui. Mais Oula, oui. On a bientôt, l'impression que je devrais. tu passes sous un tunnel, je crois. Tu vois de la voix aussi? Non mais je vais résumer le match. J'espère à la fin du Je ferme ta résumé. gueule, lui. J'ai résumé le match et puis j'espère que ta connexion ira mieux à la fin. Donc Adam Cole contre Ricochet pour le North American Championship. Donc c'est une bataille de wristlock au début. Hein. Adam Cole essaye de garder le match sur le ring et répète You're not special. Hein, c'est sa grande phrase. On a un petit jeu du chat et de la souris. Ricochet se fait balancer à l'extérieur. Il se prend les barrières. Et des coups au sol de Cole. Il enchaîne avec un. Donc Adam Cole enchaîne avec un side backbreaker pour le compte de 2. Adam Cole essaye d'étouffer Ricochet au sol, mais le High Flyer s'en sort avec un rolling front drop kick. C'est l'heure d'un Fosbury Flop de Ricochet vers l'extérieur. 619, Springboard European Uppercut, tombé de 2. C'est le début de la séquence High Flyer de Ricochet. Ensuite, il enchaîne donc du coup un Shooting Star Press et Phoenix Splash sur Cole, mais seulement 2 une nouvelle fois. Moreau nous dit, ce gars est un cheat code. Plusieurs chops de Ricochet sur Cole. Sur l'élan de Ricochet, Cole casse un backbreaker, tombé de 2. Ricochet va sur le poteau pour sauter sur Adam Cole, mais à l'atterrissage, Adam Cole tente un kick, enfin une sorte de super kick, attrapé par les mains de Ricochet. Et là, Ricochet fait la bêtise de vouloir faire le même spot. Il reprend élan sur la troisième corde, tente un moonsault, et à ce moment-là, super kick sur la nuque de Ricochet, hein. C'est un peu le gif que vous avez dû voir cette semaine si vous traînez un peu sur Twitter, hein. C'est un des gros spots de ces derniers jours. Cole, il enchaîne avec son Fireman's Carry Neckbreaker à la vitesse de l'éclair, hein. C'est vraiment un beau passage parce qu'il enchaîne à une vitesse et seulement deux, néanmoins. Il rate juste après son last shot. Ricochet fait un roll-up pour 2, échange de coups de poing, super kick, step up enziguri. Donc là, je vous donne pas qui le fait parce qu'en fait, c'est les deux, ils sont en train de s'en foutre plein la gueule de différentes façons. Et puis à la fin, ils tombent tous les deux. Mais c'est Adam Cole qui tombe sur Ricochet pour un tombé de 2 une nouvelle fois. Adam Cole tente un nouveau last shot sur Ricochet. Ricochet contre dans un Hurricane Rana et le plante à terre. Il monte sur le poteau. Adam Cole roule au bord du ring. Et Ricochet repart donc du coup de l'autre côté du ring pour caser un Hurricane Rana sur Adam Cole qui était sur le bord du ring. Ensuite, il ramène Cole à l'intérieur et il lâche un 630 Splash, c'est-à-dire une double rotation en l'air pour le tomber sur Adam Cole. Bébé. Nouvelle North American champion, Ricochet. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ringside? Ça va être difficile de dire que c'est mauvais, hein. Ce match-là, on est un peu comme dans la même configuration que dans l'opener, c'est-à-dire qu'on a deux des meilleurs catcheurs du monde. On leur donne le temps de s'exprimer dans le ring. Y a pas, ils sont pas vraiment bridés. Du coup, ça donne un truc qui est percutant. Alors là, l'histoire est peut-être un peu moins travaillée que pour le Moustache Mountain contre l'Undisputed Era. Mais Adam Cole est là pour faire le trash talk dans le match et tout de suite mettre un peu les choses à leur place. Il est là pour venir casser le nouveau Ricochet qui est visiblement la star montante. Ricochet, il tient le niveau, il démontre un peu toute la réputation qui traîne derrière lui, hein, d'à peu près meilleur catcheur du monde. Adam Cole, moi j'ai jamais vu un mauvais match d'Adam Cole. Donc, ici, ça fait pas exception, hein, donc. Ce qui est dingue parce que le gars est pas Adam Cole est pas franchement un génie de la technique. Ah, il est précis, non il est mais oui efficace. mais, non mais je veux dire, enfin quand je dis un génie de la technique, c'est-à-dire que c'est il a pas le côté clinquant des mecs qui sont capables de faire des spots, incroyables toutes les 2 secondes, quoi. Ouais, c'est vrai, quand il a le timing, en fait. Il a juste le timing précis, quoi. quand on a comme ça une star qui vient de l'Indie, de la Ring of Honor, on s'attend à un high flyer ou un technicien voilà, du calibre de style Daniel Bryan ou choses comme ça. C'est pas tout à fait ça, Adam Cole. Il est vraiment aussi dans un catch qui est un peu à l'ancienne. Et puis c'est ce qui fait qu'il est tellement efficace dans le ring, hein. Et puis il a ce truc en plus du charisme. Maintenant, voilà, ce qui va lui faire défaut, c'est peut-être un peu le physique, mais Oui, visiblement, il paraît il qu'il n'est a pas les très têtes. grand en fait. Bah, c'est ça, il est pas énorme, hein. Ricochet, il est pas énorme non plus. Disons qu'il a un gabarit léger pour la WWE. Maintenant, il compense avec le charisme, avec une belle gueule. Il a déjà le public dans sa poche depuis très longtemps. Ça devrait continuer à aller de pair. Et puis, vu qu'il fait à chaque fois des grosses performances, il a peut-être un créneau à jouer qui est un peu dans le style de CM Punk, quoi. Par contre, Pete Gull dans le chat qui nous dit Adam Cole, il ressemble à rien, il a a priori pas de charisme, mais il te sort des gros matchs et une science du timing. Alors je suis pas du tout d'accord, parce que Adam Cole, je pense que c'est quasiment le mec le plus charismatique avec Velveteen Dream du roster d'NXT. Adam Cole est capable de. Adam Cole répète la même chose depuis, je sais pas, 4 semaines dans les émissions d'NXT, je m'en lasse jamais. À chaque fois pourtant il raconte à peu près la même chose, hein. Mais c'est juste qu'il a la science du il a aussi en fait ce qui me laisse un grand espoir dans le main roster pour Adam Cole, c'est qu'il a la science du sports entertainment, quoi. Il n'est pas arrivé de l'indie sans avoir appris à faire des promos. Tu vois, il a vraiment, quand il est au micro, c'est lui la voix de l'Undisputed Era. Même quand c'est les autres qui doivent se battre, c'est lui qui vend les matchs, etc. Je le trouve vraiment excellent. Et alors, quand tu dis il a l'air de rien, enfin, il est super beau gosse, Adam Cole, quand même. Un petit peu, Ouais, enfin, c'est mais un peu comme une le dit tête Pitbull, de. effectivement, il a pas un physique Ah qui oui. est hors du commun. On est un peu comme sur Finn Bálor ou des gens comme ça qui ont c'est des athlètes. On voit que c'est des mecs qui ont un entraînement derrière assez intensif, mais c'est pas des personnages hors du commun, c'est sûr. Mais voilà, bah, ils compensent avec voilà, il a pas non plus un gimmick de fou avec des couleurs partout comme peut l'avoir le Velveteen Dream. C'est assez basique ce qu'il affiche, Ouais. mais après il sait jouer avec le public et il sait créer son personnage à faire. Et d'ailleurs, on voit bien sur ce match, depuis le début, on parle que de lui, on parle pas de Ricochet qui a quand même sorti un match incroyable. Bah oui. Après Ricochet, je trouve que il y a une très bonne nouvelle dans ce match pour Ricochet, c'est que il a réussi à nous vendre son style. Sans que ça sonne faux ou démonstratif. Il est tellement bien booké ce match parce que Ricochet peut pas sortir ses prises spectaculaires, etc. pendant au moins les 5 premières minutes du match. Il est soumis, Adam Cole le bloque à terre en permanence. Donc ça fait que une fois que Ricochet sort ses pirouettes, etc. On est déjà assez avancé dans le match pour que ça sonne comme des prises de risque, quoi. Que c'est pas. C'est peut-être le problème qu'aurait eu Ricochet s'il avait. Je sais pas moi, s'il le laisse faire des matchs comme il faisait avant. C'est-à-dire que y a une suicide dive au bout de 10 secondes, il y a un. Je sais pas moi, un 450 splash au bout de 3 minutes. Je pense que la progression du match a fait beaucoup de bien à son personnage qui du coup passe, j'attends de voir, mais il passe de plus en plus comme un membre de NXT plutôt qu'un membre de 205 Live. Pour moi. Ouais. C'est... Ouais. Bah oui, il faut aller un peu plus loin que le Spot Monkey, hein, pour ricocher s'ils veulent en faire quelque chose de vraiment explosif pour le reste de la carrière, de quelque chose qui rapporte du podium. C'est peut-être un des meilleurs athlètes du monde au niveau catch, Ricochet. Par contre, au niveau du charisme et de la personnalité, Ouais. c'est pas extraordinaire, quoi, hein. Quand il était à la Lucha Underground, il portait un masque, voilà, il avait un personnage un peu de super-héros. Après, j'ai trouvé qu'il était plutôt potable sur les échanges qu'ils ont eus pour cette rivalité. Il a pas sonné trop ridicule, il était plutôt Ouais, voilà, c'était plutôt correct pour l'instant ce qu'ils ont fait avec lui au micro. J'espère que ça va se développer. Il y a aussi le fait que on est quand même aussi dans une gimmick qui est très très. C'est vraiment c'est une gimmick préfabriquée pour l'instant. C'est genre je suis le roi quoi. Donc, Ouais, ouais bon. y a pas beaucoup de personnalités qui transpirent de tout ça, donc c'est un peu délicat quand tu es face à Adam Cole. Ben non, voilà, vu la qualité du match qui sort, on va pas l'enterrer de suite, loin de là. En plus, il gagne la ceinture, il fallait lui faire gagner la ceinture, hein, Babyface, il faut que ça gagne. Et puis il peut partir s'ils cherchent, s'ils veulent pas chercher très loin, ils peuvent partir sur un angle babyface à la Seth Rollins où c'est juste il est là pour proposer les meilleurs matchs, affronter tout le monde et voilà. Ça peut... Fighting champ. Ouais, voilà, juste Fighting Champ. Open, open, merde, putain, c'est quoi déjà? Open tournoi, non. C'est quoi déjà l'Open US Championship que faisait Cena? Je sais Voilà, plus. oui, Bah et l'Open voilà. Challenge, Open voilà. Challenge, voilà, c'est ça que je cherchais. Open Challenge toutes les semaines à NXT. Ouais, effectivement, comme le souligne Galuf, il joue un peu sur sa belle gueule à Ricochet. Donc, Ouais. pour ceux qui n'ont pas de masque, c'est normal. Effectivement, moi je ferais pareil. Il est quand même là pour faire chavirer les filles aussi un petit peu Ricochet. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, il n'y a aucun mec de la lucha masqué qui est arrivé à NXT. Depuis tant d'années, quoi. Il n'y a pas de... Bah, il y a eu Kalisto, Sin Cara, et puis. Ouais, enfin oui, Ça à s'est arrêté l'époque... là. Les autres, ils Ouais. ont. Merci. Tout le monde répond Open Challenge dans le chat. Merci. Ouais, Cien Ça Almas, suffit. ils l'ont fait débarquer sans le masque, et puis Alberto Del Rio, c'est pareil. Même si je crois que Del Rio, il était masqué un petit peu quand il était à la FCW, les trucs comme ça. Mais ils n'ont pas l'air d'être trop chauds. Bah, si, il y a quand même. Mais c'est à 2-5, hein, t'as les Lucha Et, ah Party. oui, la lucha partie. Mais on voit que c'est pas trop le truc qu'ils ont envie de mettre en avant. Ils recherchent une star mexicaine, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent une star mexicaine qui soit Ouais. un Puis alors, luchador masqué, quoi. ils essaient déjà de faire apprendre. Ils ont déjà leur classe de anglais-japonais à Ouais, s'occuper c'est ça. tous les ans. Tous Bon, les ans, un après, nouveau japonais à éduquer. il paraît qu'ils sont en ligne de mire les deux frangins, Phoenix et Pentagone. Pentagon Zero Fear, Pentagon Junior. Eux, ils vont avoir du mal à les faire débarquer sans les masques, hein, je Bah pense. là, ils vont avoir assez de gens pour faire une division Lucha NXT, enfin Voilà. Lucha WWE tous les mardis. Non, ah oui, attends. La Non, division mexicaine. SmackDown sera le vendredi, donc du coup, tu peux le mettre le mardi. Ouais, Lucha WWE. Après, on aura Strong Style WWE le lendemain. Ça ne finira pas. tous les pays seront représentés. Bon, allez, on va passer au match pour le NXT Women's Championship. Un match que tout le monde croyait écrit, cousu de fil blanc plutôt, au niveau du résultat. Et finalement, non. Donc ça commence, donc du coup c'est Shayna Baszler contre Kairi Sane. Hein. Ça commence avec un combat de soumission où Kairi montre qu'elle s'y connaît bien parce que c'est la première à mettre en soumission son adversaire. Elle cherche la victoire rapide, hein, elle fait plusieurs roll-up, un stretch muffler après, combat de coups de poing. Et puis vraiment Kairi Sane contre tout ce que fait Shayna Baszler. Shayna néanmoins case à un moment un dropkick au sol, blessant la jambe droite de Kairi Sane, sur laquelle elle va se concentrer pendant le reste du match. Kairi est en difficulté, elle se fait plier la jambe dans tous les sens. Hein. C'est un joli passage de psychologie de Shayna où elle tient la jambe. Bah, ah tiens, ça tombe pile poil sur la diapo à ce moment-là. Elle fait tourner la jambe à droite et à gauche et à droite. Enfin, le pied plutôt. Mais elle se moque aussi de Kairi Sane. Hein. Elle fait la longue vue, elle fait la marche et tout ça. Enfin, la démarche de pirate. Mais Kairi, au bout d'un moment, pète un câble. Elle crie. Elle repart à l'attaque avec des coups de poing. Rolling neck breaker deux fois de suite. Elle met trop de temps à monter néanmoins sur le poteau. Enziguri de Shayna et superplex sur Kairi. pour un tombé de 2, il me semble. On aura aussi. Alors j'aime bien. Maintenant, je mets V-Trigger. Dès que quelqu'un met un genou, je mets un V-Trigger. Donc on aura aussi un V-Trigger de Shayna pour le tombé de 2. Ce que j'aime bien aussi, c'est un truc trompeur où elle lève la jambe gauche d'abord pour distraire l'adversaire et ensuite, en fait, elle fout un coup avec la jambe droite. Donc peu après, Kairi place un spear et enchaîne avec son insane elbow sur la nuque de Shayna. Nouvelle tentative, mais Shayna, enfin tentative de tomber, mais Shayna va à l'extérieur. Kairi fait un diving crossbody à l'extérieur. Ensuite ramène Shayna dans le ring. Nouveau insane elbow dans le ring, seulement deux. Kairi enchaîne avec une anchor, hein, la soumission. Shayna renverse l'anchor en kinefu da clutch. Kairi va tomber quasiment dans les pommes. Hein. Elle essaie de remonter vers les cornes, mais elle est vraiment. On croit qu'elle va tomber dans les pommes et ça va se terminer comme ça. Mais juste avant de s'endormir, j'ai trouvé que ça a super bien joué. Juste avant de s'endormir, elle arrive à toucher la corne. Enfin, non, elle fait semblant, genre, on croit qu'elle tombe dans les pommes, et juste à ce moment-là, elle ouvre les yeux et elle prend la corde. Donc, vraiment un super passage. Shayna case ensuite, donc, du coup, un heel hook. Kairi contre ce heel hook en anchor. Shayna touche les cordes. Kairi replace l'anchor sur les cordes pour 5 secondes. Donc, un petit côté heel aussi de Kairi à ce moment-là, qu'on pouvait plus et qui casse carrément une soumission dans les cordes. Alabama Slam sur Shayna Baszler, Insane Elbow bloqué par les genoux de Shayna Baszler. Shayna qui va contrer donc du coup ce Insane Elbow en Kinefuda Clutch. Mais à ce moment-là, Kairi en a marre de que Shayna fasse des Kinefuda Clutch tout le temps. Et donc du coup, elle a compris qu'au moment où elle se fait choper, il faut qu'elle contrebalance, qu'elle reparte vers l'arrière et elle se met sur sa tête. Et à ce moment-là, c'est Shayna qui a les épaules au sol. Kairi plaque les épaules au sol de Shayna. 1, 2, 3. Kairi gagne. Donc, du coup, avec cette espèce de j'ai trouvé ça vraiment malin parce que c'est pas un roll-up. Mais c'est pas un roll-up. C'est juste étudier le finisher de l'autre et trouver comment le contrer. Et voilà. T'as pensé quoi de ce match? Donc, nouvelle championne, Kairi Sane. Ouais. Bravo, Kairi Sane. Tout le monde était content, la foule a popé. La poule aussi, ouais. Non, ils ont vraiment emporté le public là avec ce match-là qui était vraiment très très bon. Shayna Baszler, ça fonctionne admirablement malgré toutes ses faiblesses. Hein. On voit qu'elle est pas, que c'est pas une catcheuse exceptionnelle, mais elle est en train de partir dans un créneau un peu à la Zack Sabre Jr. là, jouer les soumissions et les tortures de ses adversaires qui est plutôt efficace. Et on voit qu'elle sait déjà bien jouer son rôle et bien raconter l'histoire. Kairi Sane, apparemment, elle n'a plus rien à apprendre. Hein. Là, on voit qu'elle est vraiment, vraiment une excellente catcheuse. Alors, j'ai pas vu sa carrière à la Stardom, mais je suppose qu'elle a déjà dû faire des matchs de légende. Bah, c'est ce que je disais ces derniers temps. C'est-à-dire que je me plaignais du fait qu'on ne voit pas assez Kairi Sane dans les weekly et qu'on n'a on n'a pas encore vu de match référence. Je pense pas que ce match-là est un match. Je pense qu'il est excellent ce match, mais je pense pas que c'est un match référence pour Kairi Sane. Elle peut faire encore mieux que ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça a montré que niveau soumission, elle est excellente partout, Kairi Sane. Ouais, elle est complète. Hein. Mais c'est. Ouais, après, on pourra jamais avoir du strong style à la japonaise, à la WWE. Mm. Mais en tout cas, là, ils ont vraiment construit le personnage d'une manière excellente. Honnêtement, je vais le dire ici, j'en ai un peu ras-le-bol du catch féminin. On en a une surdose toute la semaine à la WWE. Là, même le match qu'on avait eu avant entre Bianca Belair et Dina Paruso, voilà, ouais. Fallait le regarder, mais j'aurais pu m'en passer. C'était pas. Par contre, ce match-là, là, on a vraiment une histoire qui est racontée. On a des personnages forts, on a de l'originalité parce que un peu pour moi toutes les catcheuses à l'heure actuelle elles sont un peu toutes interchangeables, mais Kairi Sane, il y a quand même un truc spécial chez elle, et pareil chez Shayna Baszler, il y a un charisme qui se dégage, le personnage en lui-même, il n'y en a pas deux comme ça, du coup ça permet de raconter des super histoires, d'emporter le public, il y a eu son lot de passages qui étaient spectaculaires. C'était très bien raconté, il y a eu un bon timing, voilà, moi j'étais vraiment très très impressionné par ce match, Les dernières minutes, c'était de la folie, les near-falls de fin, il y avait du suspense, et puis le finish était magnifique. Voilà, la belle héroïne qui s'en sort, Shayna Baszler, le monstre qui est tombé sur une petite erreur. Et Ouais, c'est vraiment très, très, très, très bien, puis à très la bien fin, pillé. alors je sais pas à quel point c'était du selling, mais Kairi Sane qui tient plus debout, quoi, qui prend la ceinture comme ça, elle la lève et juste après elle tombe. C'était, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment. Et puis c'est comment alors bon, je suis pas là à Stardom depuis très longtemps, mais faut se dire, comme je le racontais, je sais pas si je l'ai raconté dans un podcast, mais le fait qu'à Stardom, les catcheuses commencent très très tôt. Elles commencent à 13 ans, 14 ans. Faut se dire que contrairement à des, je sais pas, Sasha Banks, Bayley, etc., qui ont commencé à la vingtaine, Kairi Sane, elle, c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de travail, quoi. Donc c'est il y a ce côté-là, enfin moi qui m'a vraiment touché dans le moment. Je pense que c'était pas du jeu quand elle était en train de pleurer. Donc ouais, beau Bah, faut imaginer hein, une petite japonaise comme ça qui fait ouais 1m20 qui arrive à se retrouver à la WWE, devenir championne, c'est pas rien comme accomplissement, hein. ouais et les félicitations aussi du compte Twitter de Stardom. Donc voilà, ils sont pas rancuniers. Ah non, c'est le but d'aller à la WWE, hein. Je veux dire, la Stardom, elle pourra jamais proposer les conditions que propose la WWE. C'est le monde du catch qui est comme ça, hein. Et un résultat aussi qui défie les pronos qui disaient oui, il y a évolution, donc Shayna va rester championne. Donc voilà, après, bon, maintenant les mêmes sont en train de dire oui, mais là c'était une petite victoire, elle va regagner juste après. Je sais pas, je suis pas forcément Ouais, puis il y aura les Four persuadé. Horsewomen contre les machins, mais non, Ouais. non, elles sont Non pas mais en prêtes, fait, les Four ouais, Horsewomen. c'est comme ces histoires. En fait, faut arrêter de rêver, les enfants. Par exemple, le même raisonnement, c'est les mêmes personnes qui ont fait, comme moi, hein. Sacha Bailey, c'est évident, ça va arriver sous peu. Tu vois, Bailey, elle arrive, Bailey arrive dans le main roster. Il y a combien? Il y a 3 ans? Non, il y a 2 ans et demi. Elle arrive dans le main roster. Oh putain, Sacha Bailey, ça va revenir, incroyable. Oh Non. non, t'as plutôt Nikki Bella contre Ronda Rousey et Trish Stratus contre la petite Alexa Bliss, quoi. Ouais. Ah mais Voilà. ça me fait marrer parce que j'ai vu aussi une interview de Sasha Banks. Je crois que c'était. Alors j'ai pas regardé en entier chez comment il s'appelle l'autre con là, Rosenberg. Voilà. il a son émission là où il parle quasiment pas de catch, hein. Il parle de conneries avec les mecs de la WWE. Mais Sasha Banks qui a sorti, donc du coup, mon dream match, c'est Trish Stratus. Donc l'émission a dû être enregistrée avant l'annonce d'Alexa Bliss. Parce que ce qui est drôle, c'est que dans la même interview, Rosenberg lui dit, en parlant de rivalité dans le show et peut-être même dans la vie, Alexa Bliss et tout ça, et elle a pas sorti un mot, elle a fait Alexa Bliss, oui, non, bah, si je dois la rencontrer une nouvelle fois, ça me va très bien, et puis point barre, elle a pas dit un mot. Donc voilà. Oui, Sully, désolé, j'ai sorti. Un mot m'a échappé, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec comment il s'appelle? Pete Rosenberg, je crois. Ouais, ça doit être ça. Non, il est insupportable, et puis il est bête. Il est très bête. Je préfère encore Sam Roberts. Sam Roberts, c'est bête dans les pré-shows de la WWE. Il dit pas grand-chose d'intéressant, mais dans son podcast et surtout ses interviews, il est excellent. C'est un sacré intervieweur, quoi. Il nous reste que la finale. Il nous reste que le main event. Il est temps. Peter Rosenberg, ouais, c'était ça. Le main event, pas prévu, c'est Johnny Wrestling contre Tommaso Ciampa en last man standing match pour le NXT Championship. Si vous n'avez pas suivi, Aleister Black a été écarté tout simplement parce qu'il est blessé. Ils ont transformé ça en une affaire à la Navarro. Qui est le coupable? Navarro. Oui, je prends des vieilles références, hein. Tous les trentenaires dans le chat comprendront. Donc ouais, non, une affaire à la Cluedo où ils nous montrent des vidéos du parking. Et puis alors, il y avait tout le roster de NXT dans le parking, donc tout le monde est suspect. Bref, ce match qui avait une sorte d'objectif impossible, c'est-à-dire de nous vendre un nouveau match entre les deux, qui est quelque chose de différent et d'aussi exceptionnel que les autres. Je vais essayer de... J'ai voulu être rapide pour le résumer, mais c'est pas forcément rapide. Enfin bref, c'est un match en fait qui fonctionne beaucoup sur les références. Il y a énormément de références aux anciens matchs dans ce match. Il y a la protection du ring qui est retirée pour montrer le bois. Je crois que c'est Ciampa qui le fait au début. On a eu la béquille utilisée par Ciampa qui a refait surface, les menottes. Donc toute l'histoire du match, c'est que Johnny peut pas se retenir et sa folie va lui coûter le match. Il attaque même Ciampa avant que la cloche sonne, hein, dès le début du match. Donc ça se prend des escaliers, des barrières, des poteaux dans le dos. Gargano se fait enfoncer dans la table des commentateurs espagnols. Plus tard, il y a Gargano qui se prend une série de coups de genou dans la tête, puis balance une chaise dans la jambe de Ciampa pour de vrai, hein. Et puis ensuite, il lui détruit le dos avec la chaise. Ciampa qui tente d'étouffer Gargano, hein, pendant quelques minutes. Gargano qui balance la tête de Ciampa sur une chaise coincée entre deux cordes du ring. Gargano qui installe une table, puis une table inversée par-dessus, et puis il l'oublie pendant 10 minutes. Et puis au final, c'est quand même Ciampa qui se la prend, hein, contrairement à la tradition, tradition du mec qui installe un truc et ensuite se le prend dans la gueule. Mais néanmoins, Gargano, quand même, il est victime de je ne sais pas combien de souplexes au milieu du ring, hein, de Ciampa. Un saut. Attends, j'ai noté. Hein, il fera un flip sur Ciampa qui l'évite à l'extérieur. Ah oui, voilà. Ouais, il prend son élan sur le bord du ring, saute sur Ciampa et Ciampa l'évite. Il se prend le sol bien méchamment. Ensuite, Ciampa lui fait un face plant sur les escaliers. Plus tard, il y a Gargano qui réussit un DDT sur Ciampa sur le bois, hein, pour rappeler le finish du. Est-ce que c'est le dernier ou l'avant-dernier match? Je ne sais plus. Mais bref. Dernier. Oui, non, c'était le dernier. Pour la victoire de Ciampa. Gargano en ringside tente un super kick sur Ciampa et démonte la tête d'un technicien à ce moment-là. Et puis là, Tommaso Ciampa en profite pour prendre une chaise et courir à 200 à l'heure avec la chaise devant lui pour plaquer Gargano, la tête de Gargano, contre la barrière et détruire la barrière. Allez, n'y allons pas dans la demi-mesure. Et à ce moment-là, en fait, il décide d'enterrer Johnny sous tout ce qui est autour de lui. D'abord, il prend le technicien, il balance le technicien sur Gargano. Ensuite, il balance une chaise, il balance des débris. Les débris, je crois, de la table des commentateurs espagnols. Gargano s'en sort quand même, hein, au bout de, je sais plus, 9, un truc comme ça. Ensuite, il y a Ciampa qui tente de menotter Gargano, mais ça marche pas. Donc, c'est à ce moment-là que Gargano balance Ciampa dans les tables, hein, qu'il avait placées depuis le début. Ciampa, un peu plus tard, essaie de s'en aller avec sa béquille vers le Titan Throne, et Johnny le suit à ce moment-là, au moment où Ciampa tape dans le. Ah oui, merde. Johnny met Ciampa dans le Gargano Escape. Et bizarrement, en fait, Ciampa tape par terre à ce moment-là. Mais Ciampa, je sais plus comment, en fait, à ce moment-là, il a les menottes autour du poignet. Et j'ai trouvé ça plutôt bien joué. Enfin, c'est en revoyant le match que je m'en rends compte. C'est que le bruit, en fait, pendant qu'il tapait par terre, ça faisait un bruit sur la grille qui était à terre. Et c'est à ce moment-là que Gargano pense aux menottes et décide donc du coup d'attacher Tommaso à une espèce de caisse de rangement qui est à côté du Titan Throne. Il lui fout des hit kicks. Il lui fout des hit kicks pendant que Ciampa est attaché de son bras gauche. Hein. Il se prend plein de hit kicks. Et au bout d'un moment, il décide je vais mettre le coup de genou fatal. Hein. Il prend son élan. Il va pour le coup de genou, mais il le rate. Et il se prend la caisse qui est derrière. Et en kayfabe, se démonte le genou. Il ne peut plus se relever. Et les deux sont à terre, mais Ciampa, au bout de 9, réussit quand même à s'extirper. Tommaso Ciampa est toujours champion NXT et Johnny est blessé. Alors, ce Eh match. oui. Ah bah c'était encore une fois incroyable. Ils sont vraiment très bons. Alors j'ai entendu beaucoup de critiques un peu en demi-teinte sur le match, comme quoi c'est encore une redite, etc. Faut voir quand même que c'est un match qui est là en remplacement de ce qui aurait dû être fait avec Aleister Black. Et pour un match de remplacement, c'est plutôt épique, hein. Moi je trouve les deux ils sont vraiment Ah, ils se connaissent par cœur, hein, donc ça fonctionne toujours du feu de Dieu quand ils s'affrontent, c'est stiff à mort. Ils vont tout faire pour faire le spectacle, hein, au bout de même pas 5 minutes, ils ont déjà explosé les tables des commentateurs. C'est violent au possible, hein, pour ceux à chaque fois qui se plaignent du manque de violence de la WWE. Attends, Bah, là, on est. désolé de te couper, mais il y a celui qui dit il y avait les câbles en évidence aussi. Pourquoi Gargano ne les a-t-il pas utilisés pour ligoter les chevilles de Champa? Bah oui, tant qu'à faire. Le saucissonner, c'est ça. Mais voilà, moi je trouve que c'était très très bon, c'était très spectaculaire, très scénarisé avec beaucoup de détails. Il y a des, on va utiliser tout ce qui a été fait par le passé pour alimenter le déroulement du match. Donc c'est vraiment très travaillé. Moi pour moi c'est plutôt une réussite. Alors c'est sûr que c'est un peu dommage que ça vienne comme ça à la suite des autres affrontements. Ça c'est sûr que c'est un petit peu peut-être gavant, mais quand le résultat est ce qu'on a eu, j'ai du mal à me plaindre, moi, sur ce match-là. La fin est logique, puisqu'on reste dans cette histoire que Gargano, il perd le contrôle, du coup, il perd le match. Et puis, on voit qu'il est clairement en mode dépression. On le voit même sur son costume, en rentrant, il a son visage de Gargano qui est. Hein, le petit smiley qui cligne de l'œil, là, il est déformé façon Venom. C'est vraiment clairement dans l'histoire, on a un Gargano qui n'est pas heel, mais qui est en train de péter les plombs. Et tu peux pas gagner les matchs quand tu utilises les mêmes techniques que les méchants. Voilà, pour moi, c'est plutôt une réussite complète. C'est sûr qu'on aurait aimé voir Aleister Black aussi dans l'histoire, mais c'est du très très haut niveau. Pour moi, on est sur, pour moi, une rivalité qui va rester dans l'histoire, hein. Ça va être un truc qui est tellement bien bien foutu avec que des matchs de qualité supérieure que ça peut que rester dans l'histoire du catch. Là, on est sur un truc équivalent, hein, du Okada Tanahashi ou des choses comme ça, quoi. Je trouve à peu près ce qui se fait de mieux dans le catch actuel, donc bon, je vais pas cracher dessus une seule seconde, hein. C'était vraiment très très bon, hein. D'accord. Moi, c'est compliqué parce qu'à chaque. Ça fait 2 fois que je me dis. Peut-être le match de trop, peut-être le match de trop. Et c'était quand même. C'était quand même assez incroyable. Je le mettrais pas au-dessus de leur deuxième rencontre, je crois. Enfin, justement, la dernière que j'ai trouvée encore plus. Je sais pas comment dire. Il y avait plus de surprises en fait dans celle d'avant. Parce que là, du coup, il y avait beaucoup de rappels. Ouais. Donc, du coup, il y avait beaucoup de choses que on a déjà vues, mais faites d'une façon différente. Ou alors, Il y a eu un creux aussi sur les coups de chaise à un moment donné, là où ça a duré un peu longtemps. Après, on peut les excuser parce que c'était sûrement les mecs qui s'en foutent le plus sur la gueule de toute la WWE. En ce moment, enfin, les matchs semblent. Pour le coup, il y a une phrase cliché que sortent les commentateurs, genre comment arrive-t-il à se relever? Et là, vraiment, on y croit, quoi. Là, vraiment, on se dit, les gars, comment vous faites? Comment vous faites pour être encore en forme après tout ce que vous vous êtes pris? J'avais oublié ce spot-là qui était dans ta diapo de l'extincteur aussi. Ouais, bah ouais, moi non plus, je le vois là. Ça a dû durer à peu près 3 secondes. Mais non, mais ouais, c'était assez fantastique. Et j'avoue que le finisher était efficace parce que ensuite Triple H a menti en conf call par la suite en essayant de vendre. Moi j'y ai cru hein, pendant quelques jours là cette semaine avant de trouver la news comme quoi bon en fait tout va bien. Triple H en conf call a menti en disant ouais c'est vrai que bon il y a eu une blessure, c'était pas la fin de match qu'on espérait. Quel salaud, Et voilà. il nous double. Double kayfabe. Et... Donc ouais, non, le finish m'a un peu laissé sur le cul en me disant est-ce que c'est censé finir comme ça? Juste étrangement, quoi. En plus, j'ai pas trop compris comment Ciampa avait évité Gargano. Enfin, je voyais pas trop sur l'angle de caméra. Mais non, oui, c'est. Bah, c'est vrai que ma première réaction à la fin du match, c'était quel abruti ce Gargano, quand même. Bon, c'est comme ça. J'adore le passage. À chaque fois qu'il rediffuse, quand il dit si t'es champion, c'est à cause de moi, il fait non, bah, je sais pas quoi. Après, à chaque fois que je pense que je sais pas quoi faire avec Gargano, ils arrivent à le remettre dans l'histoire. Donc, qui sait si, qui sait s'il va encore être là. Par la suite. En tout cas, il est considéré comme blessé. Voilà. Donc peut-être que ça va nous excuser le fait que le prochain main event, il n'y aura pas Gargano dedans. Peut-être. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Je crois que c'est en novembre. Donc il y a le temps. Donc, ouais, il était fantastique ce match. Il avait. En fait, il avait un goût quand même de. Je sais pas si c'est le fait que Aleister Black soit pas là, ça m'a mis dans l'état d'esprit où je me disais Ciampa va pas perdre. Ciampa peut pas perdre parce que Black est pas là. On gagne du temps quoi. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu voilà, qui m'a un peu floué le match. Mais enfin c'était dingue. Et c'est fou qu'ils arrivent à programmer, à faire un match avec autant d'idées à l'intérieur, sans que, enfin, à refaire un match alors qu'il y avait un triple threat au début et qu'à mon avis c'était pas aussi dingue que ce qu'on a vu. Devait pas y avoir autant d'accessoires et de punitions, je pense. Bref, on va passer donc du coup au top, au flop et à la note. Donc, mon cher Ringside, quel est ton top, ton flop et ta note? J'imagine que le flop, il est un peu évident, mais. Quoique. Ouais, le flop, on a envie de le donner à EC3 pour sa performance un petit peu en demi-teinte. Mais c'est un petit flop, quoi. Après, comme je disais, je vois pas trop l'intérêt de le mettre à NXT EC3, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Le top, il y a beaucoup de candidats au top hein, quand même. Je le donne à Adam Cole, je pense. Non, je vais donner, tu sais quoi, je vais donner au Moustache Mountain. Parce que eux, quand même, c'est un peu comme Kairi Sane, ils partent de loin. D'ailleurs, Kairi Sane pourrait avoir aussi le top, parce que voilà, c'est juste deux petits Anglais qui n'ont pas de physique adéquate pour la WWE, mais qui se retrouvent là à faire l'opener et à faire un match qui sera un des matchs de l'année. Voilà, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, et voilà, je suis vraiment très content de les voir briller, de pouvoir comme ça être sous le spotlight. Donc voilà, je donne mon top aux deux petits Anglais. Et puis la note, bah, je vais donner un bon 4. C'était pas le plus grand takeover de l'histoire, mais c'était encore une fois très très bon. C'est toujours une réussite takeover, donc voilà, encore une fois de plus. Chapeau. Chapeau bas. Moi, je mettrais mon flop à. Je sais. J'ai presque pas envie de dire EC3, mais en fait le booking du match EC3 Velveteen qui était pas Pas terrible. Peut-être que le match était censé être meilleur que ça, en fait. Peut-être qu'ils ont mal fait leur match. Ou alors, non, je mettrais un flop aux deux, en fait. Non. Pour être clair, je mets un flop à Issy-Fluy et Velvetine et au fait que les deux dans le ring, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas très bien. Il aurait fallu faire un plus gros effort. Après, ça dépend de la responsabilité de qui, mais bon. Le top, bah, ou du coup, je vais te le prendre. Si tu le prends pas, c'est Kairi Sane. Ouais. Moi, j'étais tellement content de voir Kairi Sane gagner. Est-ce que je me souviens plus, est-ce que je m'étais. Non, non, je me suis pas fait spoiler. Non, c'est pour SummerSlam que je me suis fait spoiler. Donc, du coup, non, je savais vraiment pas que Kairi Sane allait gagner. Et ouais, non, c'était tellement. C'était bien joué. Il y en a certains qui ont comparé ça à la victoire de Ember Moon. Sur Shayna Baszler, je trouve pas, je trouve que c'est plus intelligent que la victoire. Ember Moon, elle a gagné vraiment raccro, alors que Kairi Sane, elle a gagné parce qu'elle est plus maligne, finalement. Donc, je pense que c'est une meilleure mise en valeur, en tout cas, du personnage. Et je mettrais aussi un 4 à ce takeover, qui était. Il y avait un match qui était un peu en deçà, mais en dehors de ça, c'était quand même un sacré show je pense qu'il a aussi l'impression est peut-être moins bonne à cause de l'ordre des matchs. J'avoue que le match tag team était tellement bon que c'est dur de faire commencer le show là-dessus et d'ensuite. Essayer de motiver les gens avec le reste qui est excellent, hein, mais du coup, l'explosivité du début a du mal à se retrouver ensuite. Mais Ouais, le c'est vrai que main c'est le. event a beau être un comment, last man standing, qui est généralement match un peu chiant. Enfin, on doit attendre que le mec reste 10 secondes par terre, quoi. Et ils ont réussi à en faire un match passionnant, quand même. Ouais, c'est un peu le gros problème de Triple H, de savoir qui mettre sur la carte et comment, parce qu'il y a tellement de talent que ça doit être un sacré casse-tête de savoir qui aura le droit de faire l'opener et comment agencer les trucs pour que ça aille crescendo, sachant que tout le monde va sortir un gros match quasiment. Donc, voilà, ça se ressent un peu sur ce show-là, mais ça reste du très très très bon niveau, hein. Et la C'est un peu ce durée, et la qu'on peut durée trouver. parfaite. Voilà, c'est ça. C'est pas SummerSlam là, en 4 heures. Non, mais c'est Ben bien, oui. c'était bien SummerSlam. C'est juste trop long. Stop. Ça, si vous avez une vie active, c'est impossible. Heureusement, on n'en a pas. C'est pour ça que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines. Abonnez-vous. WWE. Maintenant, on fait un show, donc Raw et SmackDown fusionnés. Toutes les semaines. On a bien sûr NXT tout seul, donc du coup tous les dimanches, on review aussi les pay-per-view. Et puis voilà, comme je disais il y a peu de temps, je sais plus si c'était la semaine dernière ou. Enfin bref, je sors d'un déménagement, donc du coup c'est pour ça que ces derniers temps, je voulais faire plein de choses, mais finalement j'ai dû tout repousser. Donc le déménagement s'est bien déroulé. Normalement, vous avez vu un podcast sans coupure, en qualité 1080p. Donc voilà, ça promet plein de choses par la suite. Je pourrais streamer un peu plus facilement. Et je regarderai aussi. Donc du coup, je vais peut-être vous donner un avis une fois que le Five Stars Grand Prix de Stardom sera terminé. Je vous donnerai peut-être une liste de matchs, mes matchs préférés. C'est le G1 de Stardom, on va dire. Bref, Ringside. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'en prie. J'ajouterais juste, comme le souligne Sully, qu'effectivement, il y a Triple Mania qui est disponible sur Twitch, sur la chaîne de la Triple A. 5h30 de show, nous dit-il, de Eh bien, je ne 2h30 à 8h. regarderai pas. Voilà. Voilà. J'ai regardé un peu le début, après ça buguait, j'ai préféré aller me coucher. J'ai peut-être bien fait parce que tenir jusqu'à 8h du matin, effectivement, ça aurait été chaud. Mais je vais jeter un coup d'œil sur Twitch, hein. Il y a les chaînes de la Triple A, de Impact et aussi la House of Hardcore de Tommy Dreamer. Si vous voulez voir un peu des trucs différents de la WWE, c'est une manière facile parce que tout est gratos, hein. Ouais. Donc n'hésitez pas. Ah oui, j'avais oublié. Chose que tu m'as proposée. On doit faire un pré-show de All-In. Un pré-show de All-In, bah voilà, bah si on Si arrive à on trouve le très temps, présent, tweet voilà. @SketchupCDC pour voir si quand on annonce des trucs un peu imprévus ou en dernière minute, c'est sur Twitter. Donc voilà, on va peut-être avoir le temps de parler de cette carte changeante. Et Ouais, c'est quand même un show historique, hein, All-In, donc ce serait bien de le couvrir, je pense. Dites-nous ouais. si vous ne voulez pas qu'on le couvre dans les Voilà. commentaires. Si vraiment vous voulez qu'on touche pas à ça. Mais sinon, Non, ça peut. mais non, dites-nous oui, Ah dites-nous, oui, j'en dites-le oui, veux, pardon, toujours voilà. négatif, moi, je sais pas pourquoi. Mais oui, de la positivité. Vous savez comment ça s'exprime la positivité? Avec des pouces vers le haut, c'est incroyable. Si vous voulez nous aider, qu'on soit plus visible sur les internets, mettez un pouce vers le haut et un petit commentaire. C'est comme ça qu'on est mieux référencé dans ce monde incroyable où YouTube nous gouverne. Gloire à YouTube. Gloire à YouTube. On remercie énormément tous les gens qui sont dans le chat ou qui ont été dans le chat. Hein. Je ne sais pas s'ils sont encore tous là. On est en live à chaque fois qu'on fait un podcast. Donc n'hésitez pas à vous cliquer s'abonner et sur la cloche. Comme ça, vous êtes prévenus dès qu'on part en live. Incroyable. Bon, allez. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Et n'hésitez pas à aller regarder tous nos podcasts sur Ketchup. Gros bisous! Ciao, ciao.